France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est l'histoire d'un homme né en 1836 à Charmes, un petit village de la Drôme des Collines, au nord de Valence. Devenu facteur, il effectue tous les jours une tournée de 32 km à pied entre le village de Haute-Rive et celui de Terzane. Que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe, écrit-il dans un récit autobiographique. C'est justement ce que je faisais, je songeais. Et à quoi, me demanderont mes lecteurs? Eh bien, pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique dépassant l'imagination, tout ce que le génie d'un humble peut concevoir. Un beau jour de 1876, à l'âge de 43 ans, l'homme bute sur une pierre de forme étrange qu'il ramène chez lui. Le lendemain, il en collecte d'autres au même endroit. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans plus tard, Ferdinand Cheval achève la construction de son palais idéal. Et 57 ans après, le bâtiment est classé monument historique par André Malraux, qui dit de lui qu'il est le seul exemple en architecture d'art naïf. Le 15 février 1981 sur France Culture, René Farabet, Claude et Clovis Prévost faisaient le portrait du facteur Cheval pour l'atelier de création radiophonique. ACR, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Cheval, Ferdinand. Parmi nous, il y avait une scientifique. Et au bout d'un moment, elle nous a entendu parler, elle nous a dit « qu'est-ce que c'est que le facteur cheval ?» Et elle pensait facteur cheval comme on dit facteur temps. Et peut-être que dans l'art, en effet, il y a un facteur cheval, vraisemblablement, qui doit servir de point de repère aux choses. Je suis le facteur cheval, cheval fou d'inspiration. Mon palais est idéal, donne-moi la main, entrons. René Farabet, Claude Prévost, Clovis Prévost, Jacques Taroni, Michel Créis, Louis-Michel Schwartz, Jean-Michel Cyr, Daniel Toursière, Marie-Ange Garando, Viviane Vanenbroek. C'est un saucisson de cheval, un saucisson que de cheval que je viens de faire. Un cheval, c'est une chanson de saillie, ah, chanson de saillie. De cheval, moi qui suis esthète, de cheval, ah, je trouve ça beau. De cheval, génial, admirable, de la peine. Julia Achard, René Amédée Chautan, Joseph Dernat, Gabriel Fébry, Jean-Pierre Jouve, Célina Joly, Jean Lallier, Paul Mérindol, Monsieur Mounier, Lucia Paquien, Yvan Rabatel, Robert et Anne-Marie Rebattet, Lucien de Richaud, Samy Ali, Semser, Silberman. André Breton, François Martouret. Cheval, Ferdinand. Du chemin, en arrivant au cimetière d'Haute-Rive, à un kilomètre, la pierre d'angle, le tombeau du silence et du repos sans fin, l'ultime tombeau du facteur cheval. Finalement, Ferdinand Cheval aura perpétué son discours unique jusqu'à la fin. Ce tombeau complètement modelé et vraiment dominé complètement dans l'ornementation, c'est vraiment une œuvre de sculpteur. vont ouvrir les grilles. Aller vers l'intérieur. Voilà, presque à la mode des Égyptiens, les victuailles attendent là, pour l'éternité. D'énormes pâtisseries soutenues par des serpents. Des plafonds très très ouvragés, un peu comme dans la galerie. On retrouve ici la facture de la sculpture de la façade nord et de l'intérieur de la galerie. Le modelage, enfin, ici. Sur la pierre tombale, la famille, Cheval et Richaud reposent. Cheval Alice, la fille. Amèrement regretté, Cheval Fernand, le fils. Révol Rosalie, la première femme de Cheval. Cheval Syrie, Richaud Philomène, la deuxième femme de Cheval. Et Cheval Ferdinand, 1924. Puis, les descendants de Cheval. Monsieur Lardan, Juventon Georges, Juventon Syrie et Cheval. Tous sont ici maintenant. Voilà. Au bord de la Galore, en pleine nature, en pleine campagne. Le jour de la chasse. Vautrivedrome est un charmant village construit au pied d'un coteau très fréquenté par les étrangers et les touristes. On visite aussi le vieux castel en ruine chanté par l'Arioste. Ce sont les ruines d'un vieux château féodal construit au Xe siècle. Il y a aussi le cèdre gigantesque, un des plus beaux de France. Il se trouve dans le parc du nouveau château d'Hauterive construit sur les bords de la Galore. La visite d'Hauterive peut très facilement s'effectuer en un jour. On aime et trouve beau son lit qu'il soit chaumière. Manoir, brillant château, toi aux parois de lierre, la terre qui nous vit, les très grands dires naïves, notre âme est resplendie, belle, grande et captive. Chantons la Drôme, mamie, chantons, c'est le pays de notre enfance, aimons-la bien et répétons. Drôme, salut, vive la France! Vous voulez, dame, qu'est-ce que vous voulez boire? Qu'est-ce que vous voulez boire? C'est une petite goutte, avec un petit. Petit. Qu'est-ce que tu bois, toi, Henri? Moi, je Et ça, c'est bien. À votre santé. À santé. Oui, on trinque avec les dames après. Et on ne peut pas trinquer avec les dames parce que les verres sont trop petits. Allez, il est trop froid. Vous avez dit, je vois rien, moi, là, bon. Là, c'est le citron. Oui, allez, comme ça. Eh bien, prenez-la en route pour le café. À votre café. Allez, à la boîte à café. Oui. Ah oui. Et la boulangère alors, hein? Comment? Et la boulangère. Oui, la boulangère, oui. La boulangère des écus. Je ne connais pas moi. Oui, la boulangère des écus. On dit qu'elle en a guère. La boulangère des écus, on dit qu'elle en a pas. Mais c'est une danse qu'elle dansait. Oui, ah, la vie du pays, là, elle a bien changé. Elle a bien changé parce que l'habitude, les gens, c'était tous des malheureux. Et c'était tous des amis. À présent, c'est tous des riches et c'est tous des fiers. Voilà, voilà ce qui se passe. Oui. Eh oui. Et vous l'avez connu, le père Cheval? Comment? Le père Cheval, vous l'avez connu? Le père Cheval, non, je ne l'ai pas connu, moi. Et il avait fini de passer quand... j'étais un peu grand, oui. C'est pas la date, c'est pas la date qu'il a fini. 96. Comment? Il a été à la retraite en 96. En 96? Alors vous n'étiez pas né. En 96? Ah non, c'était pas né, j'étais pas né. Non, il avait fini, moi je l'ai pas connu, le père Cheval. Oui, il a été marié avec une de mes cousines. Je crois que c'est une Richaud qu'il était marié, c'est pas ça? Et comment qu'elle s'appelait son petit nom, vous savez? Philomène. Eh bien, on cherchait cette Philomène Richaud. Deux ou trois fois, les maires sont venus pour me demander où c'est qu'il avait passé, cette Philomène Richaud. Oui, et il était perdu, celle-là. Mais ça, c'est que ça faisait vieux, ça. Oui, ça faisait vieux. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez du travail du père Cheval au château, là? C'est un travail... oui, il faut apprécier le travail pour savoir que c'est quelque chose. Parce que le caveau est pas mal, le caveau. Mais le château... Je me demande bien pourquoi qu'un château comme ça est passé comment... à présent, il est... Monument historique. Oui, monument historique. Oui, il y a eu du boulot. Et les premières coquilles ont sorti de la comble en bas, là. Et puis c'était mon beau-père qui les menait quand il en a eu, puis qu'il en trouvait davantage. C'est mon beau-père qui les menait au tri. Oui. Mais c'est bien, il a eu beaucoup de travail. Mais ça fait, je ne vois pas moi que ça fasse bien. Pas. Et il y en a qui viennent le voir. Oui. Lui, il en chante souvent là-bas au collège de Marne. Il y en a qui lui demandent. Oh, pour les vacances, là, une cinquantaine, plus d'une cinquantaine, ils m'ont demandé. Et en partie des gens qui ne parlent pas le français. Oui, oui. Qui se font. Oui, comprendre, mais c'est plus les français. Oui. On aurait pas ce. Enfin, écoutez, on a besoin d'un pays tranquille, qu'est-ce que ça ressemble maintenant? On n'est jamais, vous savez, jamais on a un moment de tranquillité. Est-ce que vous le voyez, ces gars? Enfin, je crois que le monde entier est bien. L'année passée, ce qui est en vue, c'est des Norvégiens, là, tous. Oh là, mais ça fait l'année passée. Peu tard. Même des Hollandais. Ça venait pas, quand même, avant, comme ça. Des gens de loin, enfin, oui. Il y a que le jour qu'il y a eu des... Ils ont failli... Des Allemands. Il y en a qui a failli tuer Mme Robarté. Puis je me rappelle, moi, le coup des Américains, ils étaient avec mon papa, là, ils discutaient. Ils en ont offert une somme fantastique. Ils voulaient le démonter, l'emporter pièce par pièce en Amérique. Ils auraient bien fait. Au bon de temps, ils auraient bien fait. Oui, c'est mon cher Marie. Je vais fermer la fenêtre. Bougez. Oui, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Allez, bonjour. Bonjour madame. Allez, c'est le dame. J'étais juste après. Alors c'est moi l'ancienne du père Cheval. Voilà. Et que j'y ai resté 2 ans, quoi. Alors le père cheval, il m'a fait demander par ma... Ils ont... Ah non, c'est ma tante qui m'a dit comme ça, je voudrais bien que tu viennes chez le père cheval. Alors, tout de suite, je suis venue. Et là-bas, vous savez combien que j'ai gagné? J'ai gagné 12 francs, là-bas, à 10, là-bas, où j'étais. Et puis mon pauvre Pierre Cheval, 20 francs. Après, 25 francs. Oui, le Pierre Cheval me donnait. J'y restais 2 ans. Et vraiment, je ne pouvais pas être mieux que là-bas. Et puis c'était moi qui les gouvernais un petit peu. Mais par exemple, il ne fallait pas sortir. Ah non, non, si je sortais, tu reviendras tout de suite. Et moi, je ne croyais pas sortir parce que là-bas, les gens, ils me faisaient des propositions. Il y a... un Algérien que je faisais visiter, il est venu visiter là-bas. Il m'a attrapé par derrière. Ouh là là, j'ai crié, mais il m'a lâché tout de suite. Oui, mais que je le faisais visiter. Et comment ça se passait la visite? Vous commenciez par quel endroit? Alors moi, je commençais toujours du côté là, en arrivant, quand j'avais expliqué de la maison. Alors c'était lui qui avait fait mettre le toit. Parce que ça ruisselait par la maison, ça perçait. Il avait voulu faire comme on lui avait indiqué là-bas les tambourtouches. Oui, oui. Et puis après, alors, je faisais visiter là-bas où il y avait vers Saint-Gétorix. Oui, et puis la femme qui avait... Il y avait les deux momies. Oui, deux momies, oui, oui, oui. Et puis la brouette, je faisais toujours voir sa brouette qui était là-bas, en calfeutré là-bas. Et puis la fontaine, ben, il a commencé, quand il a construit son château, il a commencé par la fontaine. Il a commencé là par le milieu. Voilà, palais, idéal. On entre, la maison est à gauche, le palais parfois à droite. Et les visiteurs étaient emmenés par la bonne du facteur qui leur faisait découvrir en premier lieu la maison pour qu'ils la voient. Parce que sinon elle serait restée ignorée derrière ses feuillages, toute simple. Alors elle les entraînait. Vers les voûtes de la cave, vers le clapier. Ici, au-dessus de la porte, on lit encore « Travail, ordre, économie, 1895 ». C'est l'année de construction de la maison. Je suis né à Charmes, à 15 km de Romans, en l'année 1836. Mon instruction fut très élémentaire, car elle n'était pas propagée comme aujourd'hui. J'ai commencé l'inscription de la fontaine. Pour arriver au but, il faut être têtu. Enfant de la chaumière, ne désespère pas. Pour toi aussi, le soleil brillera. Au charme du travail, les yeux se régalent, comme le gourmet auprès d'un bon maître. Si tu veux de l'or, fouille dans tes coudes. Tu travailleras. Oh, ça s'est effacé là. Travaille avec opiniâtreté, ta moisson sera de laurier. Le reste, c'est difficile. Mesure. Alors, on entre à percevoir la façade est, mais de loin, sans trop s'approcher. Et la visite commençait par la façade nord, avec cette mise en garde des dragons, défense de rien toucher. Vous coupez là-bas, mademoiselle, Vous coupez, voilà, au début. Oui. Oui, j'ai dit. D'accord. Justement, je voulais voir Marie. Vous avancez. Merci. Merci. Bonjour, madame. Ah, vous pas vu. Alors, la visite commençait après avoir vu la maison où il habitait par la façade nord. Paradoxalement, par la façade sur laquelle lui-même travaillait peut-être encore un peu, et la façade que l'on découvrait en ouvrant la porte. La façade qui sera donc la dernière achevée. La visite commençait par la fin de l'œuvre. On passait donc devant la façade nord, avec ses grottes, son bélier. On tournait autour de la pieuvre pour découvrir cette perspective de colonna très architecturée, très, très sereine, très maîtrisée, qui est la façade ouest. Ah oui, mais le papa qui nous disait, eh bien, papa, il faut faire comme ça. Eh bien, papa, eh bien, c'était familier. Ah oui, très, très familier. Et avec sa femme aussi, très, très familier. Ah oui. Mais, ben, papa, Julien, tu feras bien comme ça, tu passeras là tout. Et puis, des fois, je ne me souvenais pas bien. Il me revenait, mais il fallait. C'était toujours ça. La bonne faisait passer le visiteur devant les niches. Le temple hindou, le chalet suisse. La porte où le songe devient la réalité. La maison blanche, la maison carrée d'Alger. Le château du Moyen-Âge. Ici, sur la colonne, né le 19 avril 1836. Donc le rappel de sa date de naissance. Puis, on entrait enfin dans le palais imaginaire. Entrée d'un palais imaginaire, mosquée, Allah et ses jardins. Donc c'est tout à la fois la réunification. Et voici la galerie. Les fées de l'Orient viennent fraterniser avec l'Occident. Le panthéon d'air obscur. La source de la vie, j'ai puisé mon génie. Tous les motifs rappellent la nature avec ses petits animaux, ses arbres, les coquillages qu'il se faisait ramener de Marseille par son neveu. Les motifs légendaires comme le chameau qui était l'animal sacré du désert, un peu à son image. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. Ici, nous arrivons au labyrinthe nord de la galerie. J'ai voulu dormir ici. C'est donc le rappel de l'origine de l'idée du tombeau, s'ensevelir dans son œuvre. Et puis on ressortait par la porte que ces deux anges montrent du doigt. On ressortait donc vers l'extérieur, pour passer une seconde fois à travers le labyrinthe nord devant la façade ouest. On sortait donc par la galerie des sculptures au temps primitif. Peut-être pourrait-on lire alors le nom de cheval inscrit sur les colonnes. C-H-V-A-L. Et puis, on montait les près des escaliers. Alors, la terrasse qui a existé à partir du moment où il s'est mis à construire donc à la façade ouest, à asseoir sa galerie en dessous. Alors, les plantes, les cactus. Les cactus verts étaient dans ses pots, mélangés aux palmiers, de pierre, aux aloès. On pouvait donc grimper, monter à la tour de Barbarie. Et de là-haut, s'arrêter. Oh, la petite bonne devait rester certainement en bas. Puis là, on pouvait tout imaginer, tout rêver, avec ces architectures miniaturisées. Les restes du vieux château au-dessus qu'on apercevait encore, et puis les prés autour. La Galaure derrière et ses méandres. Parce que le palais est tout près de la Galaure et la rivière a une grande importance. C'est l'élément eau qui inonde régulièrement les champs autour. C'est un élément de géographique et naturel très, très important ici. Alors on redescendait de ces belvédères, qui sont des réservoirs d'eau d'ailleurs, pour alimenter la façade est, pour alimenter les cascades de la façade est. On redescendait de ces belvédères. Dieu dans les dessins impénétrables, c'est la créature. Partout des inscriptions. Ici, sur ce triangle, surmonté du croissant, on lit encore 1899. Passant, écris ton nom, on saura que tu as vécu. Ici, l'arbre de vie, triangulaire, derrière la source de vie. Et puis alors tout au-dessus, en fait, alors c'est quelque chose de totalement différent, très anecdotique. Sur ces arcatures, il y a ces pierres qu'il a lui-même travaillées ou assemblées et qui forment toutes les sortes de caricatures, et comme il le dit lui-même, et qu'on peut lire, qu'on devine encore. Ce ne sont pas de simples découpes comme les pierres qui surmontent la façade nord. Mais il y a des pierres qui sont d'un réalisme figuratif extrêmement précis, qui certaines représentent un corps. D'autres un petit homme à la pipe, des soldats, en armes. Enfin, la façade ouest et la terrasse sur laquelle nous sommes n'existaient pas. Mais il y avait un petit passage malgré tout. Un petit passage et un mur pour contreforter l'édifice. Les arcatures existaient et les deux belvédères, c'est-à-dire la tour de Barbarie et la tour, si on peut dire, au petit génie, étaient là. Achevé. On peut monter à la tour au petit genou qui surmonte le monument du tombeau égyptien. Et oui, je suis montée trop haut, pardon. Oui, quand j'ai lu qu'on peut faire avec de la volonté. Pardon, je vous ennuie. Parce que moi je cherche les WC, hein, je cherche pas. Mais oui, j'ai demandé, il est en dessous du jardin. Est-ce qu'il n'y avait pas un. Qu'est-ce qu'il y avait là? Tu l'avais où? Ça vaut la peine de dire. Dans le milieu. Vers ces arbres qu'il y a, qu'est-ce que c'est? Ils y sont toujours, ces arbres là-bas qu'il y a sur la terrasse. Ben là, peut-être bien qu'il y avait quelque chose là. Mais définitivement, je ne peux pas bien y expliquer. M'a soufflé votre génie. Et alors là, c'est un arbres, hein. Je ne sais pas quoi. Il y a des dents, c'est beau qu'il a. Comme là, c'est un bain qu'il a apporté. Il est c'est la femme en travaillant en faisant le facteur. C'était lui en faisant le facteur qui ramassait puis ou quand il allait bien en galop. C'est un galop qui ramassait ses pierres et puis tout, c'était là-bas à côté de nous. Hein, oui. C'est un galop qui allait le plus pour ramasser ses pierres. Et là, ça va nous On n'a peut-être plus de famille, ça peut être. Enfin, ils y gardent. Vous savez, il n'y a rien qui puisse arrêter le Pour dire pour nous qui sommes âgés dans le machin. Tiens, il y a des pieds, c'est bien lisse. Il n'y a pas de pieds, c'est bien lisse. Sur la terrasse, Cheval a disposé sur deux socles, bien en évidence, deux pierres. Les pierres d'achoppement, ou la pierre d'échappement, comme c'est écrit dans un de ses cahiers. Alors évidemment, quand on regarde ces pierres, elles sont vraiment fascinantes, c'est-à-dire, c'est l'eau, l'onde de cercle, qui part d'un point, qui part à l'infini. Et vraiment la pierre travaillée par l'eau, en découvrant cette pierre sur laquelle il a buté, et même, comme il dit, il a roulé dans le chemin. Cette pierre a ravivé son rêve et a opéré véritablement comme une révélation. Donc on rêve, on refoule même un rêve chimérique, impossible au départ, et puis quelque chose, plus tard, fait ressortir. C'est ce qu'on dit, ce qu'on peut appeler le retour du refoulé, quoi. Donc il faut quand même un projet, un rêve latent, enfoui, qui ressort. Comme cette pierre qui est ressortie. Nous les oiseaux, que tu charmes toujours du haut de ces belvédères, et qui chaque nuit ne faisons qu'une branche fleurie de tes épaules au bras de ta brouette bien-aimée, qui nous arrachons plus vifs que des étincelles à ton poignet. Nous sommes les soupirs de la statue de verre qui se soulève sur le coude quand l'homme dort, et que des brèches brillantes s'ouvrent dans son lit. Brèches par lesquelles on peut apercevoir des cerfs au bois de corail dans une clairière, et des femmes nues tout au fond d'une mine. Tu t'en souviens, tu te levais alors, tu descendais du train sans un regard pour la locomotive, en proie aux immenses racines barométriques, qui se plaint dans la forêt vierge de toutes ces chaudières meurtries, ces cheminées fumant de jacinthe, émues par des serpents bleus. Oui, on est absolument tout le temps confronté au minéral, le végétal, de toute façon, simulé, figure partout. L'animal sort partout. Donc on a toujours au départ l'eau qui donne naissance au monde, parce que toutes les formes dérivent de l'eau-mer. Bon, et progressivement, l'humain, le marcheur, tous ces visages. Donc il revit les choses, c'est un phénomène purement existentiel. Avec la vie, la mort, et les tombeaux, etc. Donne-moi mes lunettes, maman. Merci. Non, je t'ai attendu. Le facteur Cheval a été 29 ans. Le facteur rural, d'ailleurs, voici son histoire racontée par lui-même. Comme la vérité n'a pas besoin de parure, j'expose simplement les faits. Fils de paysan et fils de maiseux, je suis resté paysan avec la ferme désir de mettre en évidence le pouvoir d'une volonté énergétique et d'un travail soutenu. Il y a longtemps que je n'ai pas lu, je me fous dedans. Je ne m'arrête pas tout à fait au point. Travail soutenu. Alors attendez, on va reprendre bien comme il faut. Le facteur Cheval, comme mes 25 000 camarades, je déambulais chaque jour de Haute-Rive à Terre-Sainte dans une région où la mer a laissé des traces évidentes de son séjour, courant tantôt dans la neige et la glace, tantôt dans la campagne fleurie, que faire en marchant perpétuellement dans le même décor, à moins que l'on ne songe je songeais. Et à quoi, me demanderont mes lecteurs. Eh bien, pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique avec grotte, tour, jardin, château, musée et sculpture, cherchant à faire remettre toutes les anciennetés architectures des temps primitifs, du rêve à la réalité, la distance est grande, n'ayant jamais touché ni la toile, ni du maçon, ni le ciseau, ni les bourgeois, et j'ignore absolument les règles de l'architecture. J'avais alors dépassé depuis 3 ans ce grand équinoxe de la vie, on appelle quarantaine, cet âge n'est pas celui des folles entreprises et des châteaux en Espagne. Or, au moment où mon rêve sombrait peu à peu dans les brouillards de l'oubli, soudain mon pied heurta une pierre qui faillit me faire tomber. Je voulus voir de près ma pierre, la Dacop. Comment que je peux prononcer Dacopement? Elle était de forme de, elle était de forme si bizarre que je la ramassais et l'emportais. Je retournais le lendemain au même endroit et j'en trouvais de plus en plus belles, qui rassemblées sur place faisaient un joli effet. Cela m'enthousiasma. C'est alors que je dis, puisque la nature fournit des sculptures, je me ferai architecte et maçon du reste. Qui n'est pas un peu maçon? En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peu de la volonté peut. C'est alors que l'on charroi commença, il dura 25 ans. Bon, parcourant pendant tout ce laps de temps, des dizaines de kilomètres en plus de ma tournée quotidienne, je remplissais mes poches de pierre. Et oui, il en emportait dans ses poches son sac. Puis ensuite, j'employais des paniers. Ah oui, mais le matin quand on allait à l'école, son panier était plein, là, au petit pont, n'importe avec son panier. Ça, moi, j'y ai vu. Ce qui accrut ma peine, car j'avais une tournée de 32 km à effectuer chaque jour. Les quartiers de Tuf, aux formes variées, se présentaient souvent aussi, et on en retrouve beaucoup dans mon monument. Parfois, je faisais des tas de pierres que j'allais chercher le soir, dans la nuit, avec ma bourrette. Mais, oui, oui, ça c'est du vrai, car je travaillais une grande partie de la nuit, c'est ce que vous disiez. Les minutes de loisir que mon service m'a permis, j'ai bâti ce palais des mille et une nuits où j'ai gravé mon souvenir. C'est alors que les langues se délièrent dans le pays et dans les environs, l'opinion fut vite faite. C'est un pauvre fou. Ça, alors, il fallait entendre. Je me souviens, il fallait entendre. Les gens qui, quand ils voyaient ça, ils étaient... des marteaux comme ça, c'était ci, c'était là. Tout le monde est marteau, si on veut en venir par là. Une chose qui est certaine, que tous ceux qui travaillent la terre, on peut dire aussi, c'est un marteau. Et moi, j'estime que celui qui travaille, il a du mérite, et pas plus. Vous êtes en pays de connaissance, là. Mais alors, je crois, tu vois, ça se parce que... Vous êtes cette chaise, monsieur, vous serez bien mieux. Merci. Et vous avez connu le facteur Cheval? Oui, très bien. J'ai connu quand il est revenu ici. Et là, on avait pas planqué la porte, mais on s'en était débarrassé. On l'avait nommé facteur en Indochine. Et alors, Ma foi, il a signé quelque chose en planète, puis un jour il est revenu avec un grand de facteur, et il est venu trouver mon père pour avoir un coin pour s'asseoir, pour faire une petite maison, pour faire ce monument. Nous n'avions pas très bien compris, mais enfin, vous savez. Enfin, je l'ai connu à ce moment-là quand il est venu ici, quoi. Il était de Terson, d'ailleurs, ma famille est de Terson. Nous, on ne les connaissait pas bien quand même, ils n'étaient pas connus du tout, les facteurs choisis. Pas du tout. Il s'est marié ici quelques temps après, dans un passé. D'ailleurs, quand il arrivait, vous savez, il rigolait les gens, parce que c'était parfaitement ridicule. Il avait une boîte, il avait fait un petit toit dessus, et il ramassait des pierres, et puis il faisait des personnages de l'époque, quoi, si on peut le dire. Après, naturellement, moi j'allais à l'école. La marchande de journaux me donnait le journal pour le père Cheval. Il avait, c'était minable, il était, je sais pas, personne s'en occupait au début. c'était pas formidable, je veux dire, c'était deux fois comme ça. Mais enfin, petit à petit, ça poussait. Chez Pierre, il y en avait partout. C'est la pierre, comme vous devez savoir, c'est la pierre des Alpes, ça. Ces pierres rondes qui ont construit toutes les maisons ici, c'est tout le Rhône ou l'Isère qui les ont amenés, ici, des premiers confort des Alpes, des morceaux de roches qui sont en roulant sur d'autres roches, qui ont fait ces pierres rondes, ils n'ont pas été à travailler, vous avez sans pas. Ça fait que la ville, la chose était tout trouvée comme matériau. Alors, il faisait ramasser par l'école, c'est la porte des pierres qui avait un certain support. L'idée que ça représentait quelque chose, il les arrangeait un peu avec du ciment, suivant son imagination. Ben quoi, ça a duré un certain temps. Les gens trouvaient ça un peu bizarre, mais enfin, jusqu'à un beau jour, il avait payé 2 sous pour visiter, puis après un beau jour, il est venu un peu plus de monde. Et alors, lui, il s'est agrandi, là, à peu près, ou à Peter Barthé, là, avec Léo. Il s'est agrandi un petit peu plus, et puis il a agrandi le monument, il s'est arrangé avec les paysans, il se faisait amener avec des voitures, des pierres, et enfin il s'est mis à faire le monument, de toute façon. Ça servait, ça ressemble à quoi? Regarde, c'était un peu plus, comment dirais-je, plus rustique, pas plus rustique, enfin quoi, je comprends pas comme ça tenu. On y allait, on lui mettait des idioties sur son carnet, on lui demandait pas quoi. C'est un peu spécial. Mais enfin, ça va être pas ça. Vous l'avez connu, le père Cheval? Ben, et comment, la vie saleté? Je ne peux pas m'empêcher de le dire, la vie saleté. Vous savez, c'était un original, c'était pas quelque chose. Et il a été toute sa vie, et il a été jusqu'à qu'il est mort. Enfin, vous savez que le 20 ans et sa femme sont morts. Il n'y a plus de grand-père maintenant. Mais quel coup encore? Amel aimait bien son grand-père. Elle l'aimait? Ben, si vous aviez entendu ce que j'ai entendu, vous ne diriez pas qu'elle l'aimait. Parce qu'il l'aimait pas non plus. Il aimait même pas son fils, son père. Alors, vous savez, c'était un type personnel. Alors, il craignait pas de l'aimer. Elle craignait pas de l'aimer, ça, c'est pas vrai. Elle peut faire des grimaces. Non, non, non. Je l'ai connue. Comme je pouvais le connaître, hein. Alors, vous savez, elle ne fallait pas qu'elle aime son grand-père, non, ça n'était pas vrai. Enfin, vous aviez un jardin à côté, vous le voyez souvent. Ben, pensez-vous, je ne crois pas qu'on allait au jardin. D'abord, le morceau ou le château, moi, ça m'a fait pleurer souvent. Parce que c'était fait. Un jour, je me rappelle, j'entends mon grand-père qui dit à ma grand-mère, il est mort, son arbre, il l'a tué. Alors moi, je viens en grand galop, je dis, qu'est-ce que tu dis, parrain? Qu'est-ce que tu dis? Oh, ça te regarde pas, ça te regarde pas. Puis, je l'ai bien compris, après. Quand j'allais au jardin, il n'existait plus, mon arbre. Et c'était tellement un plaisir pour moi d'avoir cet arbre, parce que j'en avais jamais point vu. Il était unique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est arrivé à votre arbre? Mais parce qu'il a mis une bassine d'eau bouillante. Comme ça se peut, je l'ai mis chanter dans la campagne. C'est des trucs comme ça. Vous l'aimiez pas, hein, vous, le facteur cheval? Oh, je l'aimais pas, non. Je l'aimais pas. Je l'ai jamais aimé. C'était pas le type. Il y a des personnes qui sont âgées, il était à peu près d'âge de mon grand-père, mais vous savez, il y a des personnes qui caressent les enfants, qui... Pas lui. Il y a mon frère, là, enfin... C'est souvent qu'il allait là-bas, dans le... Enfin, dans le... Il était encore là-bas, en train de boutiquer, de faire un... Si, là. Des fois que mon grand-père faisait bilan, il disait... Mais tu te tais. Il répondait pas à ce que mon frère lui disait, non. Non, non. Et pourtant, je me rappelle qu'il disait à maman, en patois, quoi. Je lui disais en patois, maman, oh, tu es répétite, qu'on parlera de me. En voulant dire, on parlera de moi. On en parle, oui, c'est une affaire, on en parle. Mais écoutez, il y en a qui viennent voir ça. Ils savent même pas. Il y a de la réclame. Parce que, surtout maintenant qu'on fait les cartes en couleur, alors il y en a qui s'imaginent, je sais pas quoi. Parce que je me rappelle qu'un jour, j'étais là. Il y en a de bonnes femmes qui venaient visiter, elles avaient la voiture, et puis ils se mettent pleuvoir. Au moins, on se mettra à l'abri, elles croyaient qu'il y avait un toit dessus. Je dis, ben, ça, c'était pas. Il n'a pas fait ça pour mettre un toit, non. Non, vous savez. Enfin, c'était comme ça, quoi. Parce que, vous savez. Eh là là. Et pourtant, vous savez, il faisait de la trotte. Quand il allait chercher ses pierres ou n'importe. Il s'est bien fait mieux quand même. Vous savez. Bon, on vous remercie. Hein. Vous savez, je ne m'incure pas. Hein. C'est comme ça quand je tombe. Hein. Vous savez, ma stante de maladie. Là. Oui, on est... Ah, 10 000 journées. 10 000 jours rapprochés, s'il vous plaît. Alors, mesdames, messieurs, peut-être beaucoup parmi vous connaissent déjà le Palais Idéal, soit par la télévision, soit par les revues auxquelles il paraît. Mais si je dois vous en donner quelques détails, mon premier mot sera tout d'abord de vous souhaiter... La première réaction, j'étais émerveillé. C'était une découverte insolite pour moi. J'ai entendu parler, mais je ne savais pas ce que c'était, parce que c'était. Et j'étais un peu rebuté par le guide, qui est le personnage qui voulait vendre les cartes postales. Et ça, c'est un peu une petite surprise. Mais alors, une fois qu'on a fait le tour du monument, du palais, je ne savais pas quoi regarder d'abord. J'étais une espèce de soulerie de forme et de rythme. Et je ne savais pas où le saisir. Et alors, cette grandeur, cet éblouissement de la sculpture sur ce bâtiment grouillant de petites choses, il y avait une échelle. Tout d'un coup, j'ai commencé à voir l'échelle. C'est-à-dire qu'il y avait des trois grands personnages. Et puis, tout tombait en étages. Enfin, j'ai commencé à voir les étages, les rythmes horizontaux qu'il a utilisés. Et puis après, les rythmes dans la petitesse, dans les petites choses, dans les animaux, dans les formes qu'il a utilisées. Et moi, je n'ai pas cherché à lire tout de suite tous les textes et tous les... J'ai pas même cherché les symboles. Mais il a aussi moi, conscience qu'il est un génie, puisqu'il lance même un défi au monde, au champ du labeur. J'attends mon vainqueur, qu'il n'a pas trouvé et qu'il ne trouvera très certainement pas de nos jours. Quand on pense qu'il s'agit d'un seul homme, tout en faisant ses 32 km à pied tous les jours, mettait à son palais pendant 33 ans et gratuitement, dans ses 10 000 journées, 93 000 heures, je crois qu'il pouvait se permettre de dire encore, plus opiniâtre que moi, se mettre à l'œuvre. Voilà les quelques explications que nous donnons. Nous vous souhaitons à tous bonne visite et bonne journée. Merci. ces machins dans ces grottes là, ben. Tu sais quelle est la fameuse mouette? Je sais pas où elle est. Il faut avoir une lampe électrique là pour voir où ça va là-dedans. Hein? Oh, tu vois, allez ici, hein? Regardez là. Ça va tomber dans la pirette là, il faudrait savoir si on avait une lampe électrique, on est où ça va. C'est là la brouette. Il y a un escalier, ça descend. Il y a bien l'escalier là, mais il y a un escalier, bah oui. Oui, mais c'est marrant. Cette brouette, elle en a vu, hein. Oui, vous voyez, c'est tout ce qu'elle doit avoir. Ouais, c'est une roue en bois, quoi. Oui, de mettre mais là, tout. Et là, de mettre avec les maintenant. Qu'est-ce que ça peut être un caniveau, là, c'est... Ah, c'est peut-être... Oui, pour, non, ça s'arrête là, ça va pas loin, là, ça peut... Le machin s'est arrêté là, là. Ouais, ça doit être une espèce de câble, tu vois, mais pas grave, alors, hein. Ou alors, il y avait de l'eau dedans, là. Il fallait en avoir, il fallait avoir le goût. Je suis la fidèle compagne du travailleur intelligent qui chaque jour dans la campagne chercherait son petit contingent. As-tu là? La bourrette et le seau. Et là-bas aussi, il en a écrit, regarde là. Et puis l'arrosoir. Il y en a l'écrit. Mais je me demande, moi, pour aller travailler là, faire tous ces machins dans des coins enfermés. Oui, ça, enfermé comme ça. Hein. Il fallait qu'il travaille là, accroupi, je ne sais pas comment. Ah non, mais il devait le faire avant de monter le reste. Tu crois qu'il essaie de faire ça? Oui, il ne pouvait pas le faire. Parce que regarde, c'est magnifique, ça. Peut-être bien ça. Ben, pour aller à Haute-Rive, c'était. C'est quand on fait la photographie de l'époque où il a fait ça, dans ce temps-là, même qu'on pense que les gens, peut-être tous revenus, mais il est dit qu'on peut venir en bicyclette. Mais il ne pensait pas au prendre le train et changer. Allez, il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant. D'ailleurs, je crois que c'est ça, c'est un gros mal. Ça fait un peu comme dans les grottes. La prolifération des visiteurs qui n'ont pas d'intérêt, mais qui viennent là comme un troupeau en transhumance, tout ça passe. Alors, vous savez qu'un troupeau qui passe dans un terrain, avec les pieds piétinent, et finissent par damer la terre, ils vont pareil dans ce humain. Ils ne voient rien. Alors, peut-être qu'il faut délimiter aussi, peut-être que ce soit des cortèges. Mais il y a tellement de choses fragiles. C'est pas pour résister autant ce qu'il a fait, c'est pour résister au merveilleux. Alors toutes ces parties qui sont dans l'espace, ces palmiers, il ne faut pas que les gens s'amusent à les bouger comme ils font en ce moment. Et qu'ils font en ce moment pas par la force, mais c'est par le nombre. Parce qu'en même temps, ils n'arrivent pas, il faudrait qu'à l'entrée, leur distribuer quelque chose, qu'ils comprennent que c'est un bien national et que c'est un monument important. Au point de vue, c'est le seul monument, c'est la seule sculpture surréaliste. Maintenant, on peut en faire des sculptures surréalistes, mais lui a créé ce genre de folie. Ils sont encore pas contents. Il y en a des escaliers, hein. Il a pas resté sans rien faire. Toutes ces bêtes, toutes ces machins, comme là on dirait des fleurs, les plantes. Nous te précédions alors, nous les plantes, sujettes à métamorphose, qui chaque nuit nous faisons des signes que l'homme peut surprendre, tandis que sa maison s'écroule et qu'il s'étonne devant des emboîtements singuliers que recherche son lit avec le corridor et l'escalier. L'escalier se ramifie indéfiniment. Il mène à une porte de meule. Il s'élargit tout à coup sur une place publique. Il est fait de dos de cygne, une aile ouverte pour la rampe. Il tourne sur lui-même, comme s'il allait se mordre. Mais non, il se contente sur nos pas d'ouvrir toutes ses marches, comme des tiroirs. Tiroir de pain, tiroir de vin. Tiroir de savon, tiroir de glace, tiroir d'escalier, tiroir de chair à la poignée de cheveux. Madame Chaudot, votre mari est là-haut. Comment ça s'appelle vous avez Bronze, oui. Cusset, oui. Et puis d'autres vous aimeraient, mais en fait. Voilà. Et ensuite, le visiteur redescendait donc par l'escalier sud. Pour continuer sa visite. Cet escalier-là n'était pas pris. Il y avait une sorte d'interdit qui était, semblait-il, impératif. Il fallait suivre, il ne fallait pas revenir plus d'un certain nombre de fois sur son chemin, sans doute. Il ne fallait pas passer trois fois devant la face à la presse. Là, ici, nous avons un rythme de triangle entre lesquels sont pris les animaux de la région, l'écureuil, le bouc, la chèvre, le tronc, la chaîne creux, dit cheval. On s'éloigne donc de cette façade nord-ouest très structurée pour découvrir le côté sud, lui-même très sobre, très, très arithmétique, au pied duquel il y a ce musée lapidaire dans lequel il enfermait ses plus belles pierres, ses trouvailles, ses fossiles. Le musée était visité, mais il n'y a presque plus rien, évidemment, maintenant. Enfin, c'est avec des pierres rouges appelées porphyre, trouvées à Rochetaillé, oui, à Rochetaillé là-bas, près de Saint-Vallé. Ils ont mis Saint-Vallin, mais à ce moment-là, ça s'appelait comme ça. Que j'ai fait le château du Moyen-Âge, avec ses tours crénelées, ses murs épais, ses miachicoulis et ponts-levis qui le rendaient inabordable. Des pierres sculptées par la nature et figurant les animaux terminant la façade sud, se trouve un musée. Eh bon Dieu, mais alors, je vais crever. Antidiluvien. Avec silex. Attendez. J'en ai trouvé un dans le torrent, là, silex. Voyez-le là-bas, sous cette cage en gris. Apportez-le. J'en ai jamais point trouvé de si beau. C'est le premier que je trouve si beau. Alors, il est joli. Ça, c'est un. Alors, c'en est un silex, ça. On dirait un visage. Hein? Ah, ouais. C'est un silex, ça. Il est lourd. Il est lourd. C'est mon fils l'autre jour qui m'a dit il faut faire attention. Pas les garer, parce que pour en trouver le pareil, on n'en trouve pas tous les jours. Ah ben, j'avais trouvé là, dans le torrent des roches, il y a des dents de requin dedans. Puisque la mer venait jusque-là. On m'a montré, comme ça incidemment, une enveloppe au dos de laquelle le facteur cheval avait noté une phrase. Chaque fois que tu me regardes, tu vois ou tu regardes ta vie qui s'en va. Chaque fois que tu me regardes, tu vois ou tu regardes ta vie qui s'en va. Qui parle, on ne sait pas, à qui ça s'adresse, cette parole, c'est pas défini. C'est comme un sujet cosmique qui s'adresse à un autre sujet cosmique ou à n'importe qui. C'est une phrase qui se trouve inscrite sur le cadran de la vie, ce que Cheval appelle le cadran de la vie. Donc, en quelque sorte, c'est le temps qui passe et qui est objectivé par le cadran, un cadran solaire. Je viens d'apprendre que par son orientation, elle ne peut pas fonctionner pour capter le soleil, donc comme cadran, capter le temps réel. Donc, encore une fois, on a affaire à un temps imaginaire par rapport à un soleil imaginaire. Dans son palais, dans la conception du palais, il y a des phrases, ce n'est pas la seule d'ailleurs, il y a des phrases, il y a des choses écrites sur les palais, et il y a comme une espèce d'équivalence entre les phrases et les choses, entre les mots et les choses. Ce n'est pas du tout des phrases qui sont surajoutées, mais c'est une chose qui parle. Il y a des phrases, il y a quatre phrases qui encadrent les cadrans solaires ou sont incorporées dans la conception des cadrans solaires. Le voici, donc à gauche, à l'extérieur, dans une espèce de médaillon, les minutes perdues, puis à droite, dans un autre médaillon correspondant, ne se rattrapent plus. À l'intérieur des cadrans solaires, il y a d'abord cette phrase, ce n'est pas le temps qui passe, mais nous. Donc on va de l'extérieur vers l'intérieur, ce n'est plus un temps abstrait, général, mais le temps de la vie. Et puis finalement, cette quatrième phrase, chaque fois que tu me regardes, tu vois ou tu regardes ta vie qui s'en va. Donc ici, on a affaire à une chose qui est le cadran. Le cadran de la vie, dans le fond, c'est un quatrain. Si on aligne les quatre phrases, ça fait comme un quatrain sans... irrégulier, mais ça signifie quand même un ensemble, une pensée qui s'objective sous cette forme géométrique. Il dit simplement que le temps passe. Uniquement ça, rien que ça. En fait, l'extraordinaire génie de Cheval, c'est d'avoir construit des choses inimaginable, dirais-je, avec des bribes, des phrases ou des images parfaitement banales. C'est-à-dire, on peut, pour chaque détail, trouver une origine dans des documents d'époque, une origine vraiment à la portée de premiers facteurs venus, c'est-à-dire qui distribue des courriers et peut trouver des prospectus. Et si le facteur Cheval avait vécu dans notre époque, il aurait sûrement fait une œuvre qui s'apparente au pop art ou à tout ce qui, à toute la publicité. C'est tout à fait dans la même veine, dans la même inspiration, ce qu'il a fait. Les masses médias de l'époque ont été déterminants dans le choix de différents thèmes, dans l'agencement des phrases, dans vraiment, il baignait dans un banal total. Toutes les idées qu'on peut déchiffrer chez Cheval sont des idées parfaitement banales, de l'ordre de « le temps passe, hein, la vie est courte », etc. C'est-à-dire soit des proverbes, soit toute la documentation iconographique, par exemple dans le magasin pittoresque, et les almanachs, vraiment, on est dans un banal parfait. Il avait ces deux livres qu'il regardait, ces gros livres, qu'il regardait de temps en temps quand des fois il n'était pas au courant de quelque chose. Alors il les regardait, il les avait bien fait voir, quoi. Pourquoi l'œuvre de Cheval échappe au banal? Parce que il y a un décalage incommensurable entre l'intention consciente chez Cheval et ce qui est véhiculé à son insu au fur et à mesure que l'œuvre s'est réalisée. Ce qui a été véhiculé, c'est précisément quelque chose qui relève d'un fond primordial chez l'homme, c'est quelque chose qui se rattache à l'espace des rêves notamment, et au temps des rêves. C'est dans cette mesure-là que l'œuvre de Cheval, tout en étant baignée de banal, échappe au banal. Dès là, l'accumulation des détails tout à fait excessifs, tout à fait démentiels, quand on voit que c'est un palais qui ressemble à tout ce qu'on veut, ce qui ressemble surtout à une excroissance monstrueuse ou à une jungle tropicale qui a poussé tout d'un coup là où on ne s'attendait pas. Dans cette excroissance, dans cette poussée de créatrice, il y a des thèmes qui reviennent et qui sont des thèmes hors de temps. C'est surtout dans la structuration d'un espace où les distinctions entre dedans et dehors s'effacent, et où précisément le dedans et le dehors, c'est un espace qui n'a pas un sens précis et qui crée une temporalité cyclique, donc encore une fois mythique, imaginaire. L'œuvre de Cheval échappe au banal, doux et linéaire. Le problème était comment représenter ce palais, laisser une trace, la photographie qui fixe, isole, bien sûr. Donc pour moi, il s'agissait de les mettre plutôt en regard, ces photographies, des assemblées deux à deux, pour essayer de retrouver l'unité organique qui se dégage de cet ensemble apparemment très complexe. C'est-à-dire que chaque détail reflète l'ensemble. Il y a une unité profonde. Mais en fait, il ne s'agit pas d'isoler, de filmer des pierres pour leur beauté, mais plutôt d'essayer, de tenter de retrouver le sens. C'est-à-dire retrouver une démarche, un processus de création qui s'est fait lui aussi petit à petit. Donc photographier pour essayer de comprendre quelque chose à tout ça, isoler, monter les choses, puis petit à petit peut-être arriver à une lecture possible. Alors la galerie par exemple, noire et mystérieuse, une gageure de photographier, d'éclairer, c'est presque un sacrilège de mettre la lumière dans une grotte. Bon, alors il faut essayer de garder ce côté un peu sacré, mystérieux, avec ces zones d'ombre, ces zones d'éclairage fulgurantes. Alors pour le film, restituer le mouvement, c'est-à-dire en fait montrer le dedans et le dehors, c'est le passage de l'ombre à la lumière dans un même mouvement. Donc caméra portée, relayée après par un travelling à l'extérieur. Bon, alors je continue. Dis donc-moi un verre d'eau. Ça vous ennuie pas que je bois un verre d'eau? Lui parle le livre, faites attention. Bâti en pierre excessivement dure, la façade est représente surtout des animaux qui forment toute espèce de caricature. Le milieu est, c'est le commencement des pierres trouvées, représentant une cascade et c'est mon premier travail. La petite grotte à côté appelée grotte de Saint-Amédée, patron des seigneurs d'Autriche. Moi, je m'appelle René Amédée, patron des seigneurs d'Autriche. A coûté 3 ans de travail. La grotte où il y a 3 géants, c'est un peu de l'Égyptien. Au-dessus, on voit 2 momies que j'ai façonnées et sculptées. Ces 3 géants supportent la tour de Barbarie. Nous arrivons donc ici devant la façade est, celle par laquelle Cheval a commencé. Le visiteur pouvait s'asseoir sous la tonnelle de raisin, sous la vigne, se reposer un peu. Et il se trouvait alors face aux 3 géants. César, Vercingétorix et Archimède. Les 3 figures sous la garde desquelles il a placé son monument, dit-il. Et en fait, ces 3 géants, ils lui ont donné beaucoup de difficultés. Il lui a fallu plus de 4 ans pour les mettre en place, pour trouver leur forme, pour les asseoir, trouver le nom, trouver leur sens, élaborer les gestes, les relier, les incorporer, les plaquer, les incorporer véritablement au monument. Entre les 3 géants, vous avez donc 2 momies avec des inscriptions qui semblent arabes, tardives, 1909. Ici, la petite niche au-dessus de la grotte de Saint-Amédée qui porte la date de l'année du début des travaux, 1879, avec le nom de son auteur, Ferdinand Cheval, une figure féminine, soutenu par peut-être un couple, l'image d'une triade qui est alors l'image de celle de sa vie personnelle. Il vient d'avoir un enfant, une petite fille, Alice. De chaque côté de la grotte de Saint-Amédée, il y avait, disparu maintenant, à droite une maternité tenant un enfant et à gauche un personnage masculin. Et puis, la source de sagesse. Ensuite, le tombeau égyptien, qu'il a commencé donc en 1882. Puis en 1884, 2 ans après, il a débuté par cette chose. Il s'est arraché au creux pour déployer ce monument égyptien. Alors, ce monument égyptien porte des inscriptions qui ont changé. Certainement, on a guidé sa main pour rectifier l'orthographe. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais qu'il fît à toi-même. Ça, c'est peut-être un avertissement aux gens du pays qui se moquaient de lui. Dieu et la patrie sont nos maîtres. Servons les biens, nous servirons de même. Tous les hommes de bien, tous les peuples sont frères. Notre devise à nous est de les aimer tous. Sur cette terre, comme l'ombre nous passons, sortis de la poussière, nous y retournerons. Alors évidemment, 1879, on sortait un peu de toutes ces guerres de Crimée, d'Italie, la Commune, la répression du Second Empire. Cheval n'avait pas connu le service militaire, mais c'était toute une réaction aussi, sans doute, peut-être consciente, inconsciente, contre cette mentalité, un appel à la fraternité comme la pratique des expositions universelles, la croyance au progrès. C'était une même quête. Je suis frappé par son rêve de toucher encore la civilisation égyptienne des pharaons. Et il dit qu'il va faire il a fait les animaux, il a fait des choses de la vie un peu comme les pharaons dans les temples. Parce que vous savez, dans les temples égyptiens, il y a des singes et des animaux et des personnages, et il y a des murs absolument grouillants d'inscriptions gravées sur tout le mur comme une bataille. Et je ne sais pas ce qu'il a lu, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il parle de cette relais. Il voulait toucher encore les gens, il voulait s'identifier, si on veut, je crois, avec les ouvriers qui ont travaillé la pierre dans le temps des Égyptiens. Et ça, pour moi, c'est une preuve qu'on cherche tous à laisser les traces, de toucher le fond de toute la vie, de toutes les civilisations possibles. Tous les arts primitifs, les mêmes thèmes reviennent, la vie et la mort. Et je crois que le facteur, intuitivement, il cherchait à rejoindre tous les anciens sculpteurs, artisans, maçons qui ont toujours travaillé dans le temps. On se demande si l'on n'est pas emporté sur l'aile d'un rêve fantastique, chimérique, dont les limites dépasseraient l'imagination. On se demande si l'on n'est pas emporté sur l'aile d'un rêve fantastique, chimérique, dont les limites dépasseraient l'imagination. Est-on dans l'Inde, en Orient, en Suisse? Oh, j'ai oublié, Chine. Mais là, je reprends. Est-on dans l'Inde, en Orient, en Chine? Il a été facteur en Indochine? Je ne sais pas, il était facteur dans la région. Il était parti là-bas, je crois, même comme facteur. Et puis là-bas, il y a fait quelques années. Mais l'influence est nette, l'Indochine est nette, il l'a trouvé là-bas. Il avait rapporté un bouquin de la Chine, et puis enfin quoi, c'est nettement. C'est chinois, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais il vous parlait de l'Indochine? Comment? Il vous parlait de l'Indochine? Oui, il était assez... Oui, il parlait pas trop. En Chine, en Suisse, on ne sait, car les styles de tous les pays et de tous les temps sont confondus et mêlés. Aujourd'hui que le monument est debout, je suis heureux d'entendre des cris d'étonnement des visiteurs, les éloges des enthousiastes et les critiques des connaisseurs. C'est la récompense après le travail. Ma biographie, ne révélant que des effets obscurs auxquels mon obstination invisible a fini par donner une tournure. Je vais me baser à écrire le monument. Chacune des façades n'est pas plane et unie, comme on pourrait le croire. Elle offre au grand regard étonné dans des mille petits palais variés, tout un monde bizarre de figures de toutes sortes. Entre les façades est et l'ouest se trouve une galerie de 20 mètres de long et 2 mètres de large. Et puis dedans la galerie, il avait changé les inscriptions, il en avait mis d'autres pendant que j'y étais. Et puis c'était plus joli que maintenant. C'est si vous avez vu comme c'était. Qui avait de son neveu de Valence, il lui avait envoyé des coquillages. Et toute la galerie, là en bas, il a mis des coquillages et puis l'eau. L'eau qui ruisselait. Oh, c'était bien. Maintenant, plus rien. Je ne m'y reconnaissais plus, tellement que ça a changé. Voilà, puis il entretenait ça tous les samedis, si vous aviez vu ça. Un goût. Personne n'aurait eu le goût qu'il avait. Oh, 3 mètres de haut sur 2 mètres 50 de large. Chalet charmant et sage, des hommes de tout âge et de tout rang reviendront te visiter chaque saison. La maison carrée d'Alger, à sa terrasse grenelée et un palmier au milieu, c'est la maison carrée d'Alger avec son petit palmier qui nous rappelle le pays de notre belle Algérie. Et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il est vraiment parti comme ça, trouver ses idées en Algérie ou ailleurs? Il est allé en Algérie, oui. Je ne sais pas ce qu'il a ramené de là-bas. D'abord, je n'ai pas eu de conversation pour dire d'en avoir avec lui. Parce que s'il faut, pour connaître quelqu'un, mon pauvre ami voudrait bien le comprendre, il faut quand même causer, il faut quand même avoir des relations. Alors, le facteur, il est allé en Algérie. Je croyais qu'il y est allé faire son service militaire, mais non. Il était parti, il avait tout laissé. C'est là-bas, en Algérie, où il a trouvé quelqu'un et ils se sont rassemblés. Ils ont fait ça à eux deux. C'est un espèce d'ingénieur, je ne sais pas quoi. Quelqu'un a aidé à finir, à faire tous ces... à le romancer un peu. C'est pas lui qui a fait tout ça, en fait. Oh, il avait laissé les tortillons parce qu'il a tout entendu. Vous savez pas ce qu'il était. Parce que, écoutez, il a resté 7 ans à l'étranger, personne ne sait où. Alors on ne peut pas dire ce qu'il était. Parce que, écoutez, mon grand-père n'était pas une chose, c'était un instituteur. Il lui a jamais dit, écoutez, quand vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, vous le dites. J'ai passé là, j'ai vu ça. Personne n'a jamais su où il est allé, jamais. Elle a fait comme elle a pu, sa pauvre femme, la première. Elle faisait des piqûres, enfin, elle faisait un peu l'infirmière à Romain, parce qu'il était boulanger à Romain, quand il a tué quelqu'un. Et puis, alors après, il fallait bien qu'elle ait 2 enfants. Puis alors, elle est revenue chez ses parents, au Trive, là. Puis, ma foi, alors, il a demandé pardon à ses beaux-parents. Puis, comme il s'est fait bien avec le préfet est sorti du château, là, voyez. Et là, en face, alors, il a eu cette place de facteur. Et c'est là qu'il s'est mis à fabriquer ça. Mais qu'est-ce que vous y voyez qui ressemble à quelque chose dedans? C'était selon son imagination, mais c'est pas autre chose. Parce que vous pouvez pas dire qu'il a fait quelque chose qui représente à quoi. Il n'y a qu'une dame un jour, qui est institutrice en dessous de Grenoble, qui m'a dit qu'il a dû aller par là-bas, dans les pays lointains. Parce qu'il y a des choses. Elle avait vécu un peu là-bas, elle m'a dit, vous savez, il y a tendance à ça. Mais à part ça, vous ne pouvez pas dire. Enfin, quoi? Qu'est-ce que vous y voyez? Enfin, et puis, vraiment, il a bien été à quelque part où il a rapporté de l'argent. Parce que la chaux, quand même, que coûtait que 15 sous le sac, il fallait la payer. Parce que c'était ça. Il m'a fait le mois d'Alger, un panneau, 5 sous. Alors, on pensait bien qu'il fallait quand même vivre. Et c'était pas sa paye de facteur à ce moment-là qui lui faisait des 110 000. C'est pas maintenant. Non. Il y a eu un mystère là-dedans. Un mystère. Est-ce qu'il est allé en Amérique? Personne ne le sait. C'est pas moi. C'est un mystère. Moi, j'ai jamais cherché à le comprendre. Parce que, vous savez. Eh là là. Je ne l'ai pas vu en activité, hein. Parce qu'il a pris sa retraite en 1894. Et moi, je suis né en 1903. Mais alors, il a travaillé pendant longtemps encore. Tous les jours, il était dans le torrent, là, qui cherchait des pierres. Et quand on allait à l'école, tous les matins, il était au petit pont en bas avec sa bourrette. Oh, pensez-vous si je l'ai connu? Il me semble que je le vois encore. Je ne suis pas instruit. C'en faut. Mais j'en ai conclu que dans le tournant, il avait un certain mérite, parce que vous savez, il fallait en avoir dans la tête. Et puis, quand il s'agissait qu'à 10, 11 heures du soir, qu'il était encore à son palais idéal et que sa femme lui donnait à manger à la main, comme ça, pour ne pas perdre de temps, Il se contentait d'un oignon avec du sel et un morceau de lard. Oh, c'était pas de la tambouille comme maintenant. Il se contentait de peu. Mais sa femme lui donnait à manger au chantier, là-bas, la nuit, quand ça pressait tôt, hein. Oh oui, oh. Moi, je reconnais que dans le tournant, vous savez, c'était un vaillant. C'est un intrépide au travail. Il n'y en a pas beaucoup maintenant dans les jeunes. Ils les ont. Ils ont les côtes en long, ils pensent qu'à faire la bringue, qu'à courir en auto. Mais moi je n'ai pas été élevé comme ça. Quand j'ai commencé la tournée en 1918, j'avais pas 16 ans, hein. Eh bien, mon ami, j'en ai fait des kilomètres. Vous faisiez ça en bicyclette, vous? Ah oui. Mais le facteur chevalier, il faisait ça comment? Tout à pied. Tout ça à pied, puis revenir rendre son sac à, je ne sais pas, moi, peut-être 5-6 heures du soir. C'est souvent. Il y avait un nommé Doré, qui était facteur aussi, qui était par là dans les âges du père cheval, peut-être un peu moins âgé. Eh bien, il faisait sa tournée à pied, mais à 8 heures du soir, il était encore par les chemins. Il buvait que de l'eau de vie. Il buvait pas du vin en tournée. En pleine chaleur au mois de juillet, que vous n'auriez pas mis un chien dehors, hein, ben il faisait sa tournée, il buvait la goutte. Cheval? Oui, non, doré. Cheval, il était sobre, lui. Oh oui, et puis il était plus. Il fallait pas compter de lui tirer. Il fréquentait personne. Il était sauvage. Un peu sauvage. Il avait qu'un ami à Haute-Rive. Ils étaient complètement bien amis parce qu'un nommé Rival, qui était entrepreneur de maçonnerie, ils étaient à peu près d'un âge. Eh bien, lui, alors là, c'était des amis. Il lui prenait son ciment tous les deux jours. Il achetait le ciment au père cheval à chaque kilo. Oui, il était encore personnel. Il employait sitôt qu'il en avait besoin. Mais avec le père Rival, ils étaient amis. Oui, moi, j'étais sauvage un petit peu, et lui aussi, ben, je ne sais pas, j'aimais ses manières. Ah, il était très, très sérieux. Et puis, il allait à la messe comme personne. Et puis, avec un gros livre. Ah oui, il ne manquait jamais sa messe. Eh oui. Eh oui. Son père cheval. Et puis, sa femme est morte pas bien longtemps après que j'étais partie. Alors, lui, il restait à Haute-Rive, là-bas, dessous ses enfants. Une maison, c'était lui qui l'avait achetée. Oh, mais il était brave, ce pauvre père cheval, vous ne pouvez pas le croire. Quand il est arrivé à la retraite, en 1896, écrit-il, j'ai entouré mon jardin de murailles et j'ai construit ma maison. Alors donc, jusqu'alors, il habitait dans le village, une petite maison donnant sur la grande rue. Et puis, il est venu donc se réunir à son palais. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il a fallu cette simplicité, comme il dit, du corps, cette simplicité de vie quotidienne, cette simplicité de maison, pour garder cette image, cette distance, cette image de rêve en face de lui, arriver à poursuivre, à ne jamais l'atteindre. Et son palais est resté toujours une projection de lui-même en avant. Et le jardin lui-même, entouré de murailles, est devenu. C'est fermé comme un lieu un peu sacralisé. Il a découpé l'espace véritablement. Et son palais, qu'il appelait jusqu'alors monument seul au monde, est petit à petit devenu, c'est nommé de lui-même, palais imaginaire, puis temple de la nature. Et là, on retrouve toute la terminologie, toute l'étymologie, les racines. Le sens du mot templum, qui est qui est de découper l'espace, d'isoler un lieu sacré, consacré. À cette heure où des milliers de canards de vos cançons se lissent les plumes, sans te retourner, tu saisissais la truelle dont on fait les saints. Nous te sourions. Tu nous tenais par la taille. Et nous prenions les attitudes de ton plaisir. Immobile sous nos paupières. Pour toujours. Comme la femme aime voir l'homme après avoir fait l'amour. Quand il termine son palais, vers 1913 seulement, à ce moment-là, il inscrira d'un songe « J'ai sorti la reine du monde ». C'est la dernière inscription du palais. C'est, d'après les photographies, c'est certainement celle qui a été ajoutée une fois que tout était achevé. C'est la façade nord. Et on a en écho sur la façade sud, d'ailleurs, la reine des grottes. C'est toujours ce jeu de miroir, cet écho qui s'envoie de façade à façade. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur la façade ouest, sur le linteau de l'entrée principale. C'est une inscription qui devient illisible maintenant, où le songe est... où le songe devient la réalité. Il a certainement gravé ces quelques mots au moment où il travaillait à l'intérieur de la galerie. C'est-à-dire, il était dans son enveloppe, il était à l'intérieur de son songe, et le songe lui-même était devenu une réalité. Enfin, il s'est attardé dans cette galerie... à la fin de sa vie. C'est un exercice de maîtrise qu'on retrouve au niveau de la sculpture, qu'on retrouve au tombeau du cimetière. Il est totalement libre au niveau de la fluidité des formes qu'on retrouve, des arbres qu'on retrouve dans les niches. Le travail des plafonds. Le travail des plafonds en spirale. Les plafonds ne sont plus que des envols d'oiseaux, des flammes qui courent le long des murs. On a une impression de scintillement, de vibration, de ruissellement d'eau également, puisque toutes ces vasques qui courent le long de la paroi est de la façade, en fait, la galerie devait être alimentée d'eau. Et il reprend le thème de l'eau. À la source de la vie, j'ai puisé mon génie. De ce breuvage, mon arme a trempé son courage. Derrière, il y a la source de vie. Il y a la fontaine par laquelle il a commencé son palais. Très exactement orienté. On a l'impression qu'il a imité le rythme de l'eau dans le ciment plutôt que de penser à vraiment faire un palais où l'eau va circuler. Parce que tous ces rythmes sont très fluides, sont très coulants. Mm-hmm. Et ça coule partout, le ciment coule d'un rythme formidable. Enfin, c'est contenu et l'œil suit facilement. Alors, j'imagine que ça correspond bien à c'est cet état d'âme, peut-être, je sais pas. Enfin, il a sûrement travaillé avec joie sur les trucs quand il se sentait vraiment bien. Et le côté. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas la figuration de la mort dans le palais. Hein. Il n'y a pas une tête de mort qui vous effraie quelque part. Là, c'est toujours. C'est la vie tout le temps. Oui, c'est la vie lyrique. Mais il est là où il est expressif, peut-être le plus pour moi, c'est dans dans ses choix de pierres, les personnages qui fait animaux, il a choisi ces pierres parce que leur forme suggérait ambiguement ou une personne ou un animal sauvage. Et c'est là où il était le précurseur de l'art brut. Il laisse le personnage et on ne sait pas s'il voulait dire animal ou homme ou les deux, ou est-ce que nous sommes tout simplement tous les animaux, ou est-ce que enfin, le mystère de la vie est tout entier là, et je crois que ça c'est une grande force chez lui. On suit un rythme organique et animal, et il a rejoint son siècle, il a rejoint Gaudi, il a rejoint l'esprit de 1900 là, avec le grand thème qui était organique, toutes les structures qui étaient fluides et coulantes dans le 1900, ben, on la trouve chez lui. Écoute, la création là. Alors il y a tout le machin là. Il y a les sentences dedans qui sont splendides. Moi non plus, c'est la création. Oui. Comme ça. Homme, souviens-toi que tu es poussière, que tu es en poussière. Et donc c'est tout marqué là. C'est tout marqué à l'intérieur. C'est pas la galerie intérieure. Ah. Enfin, c'est pas la galerie intérieure. Oui. Mais c'est tout marqué. Tout passe. Hein? Seule l'âme reste, vit éternellement. Bon, c'est quand même. Les appareils. Oh, c'est un travail merveilleux. Ouais. Puis tu vois l'enfer là-haut. Hein? Mais t'as dit que t'es en bas l'enfer. Hein? Moi, j'ai pas de lunettes pour regarder. Oui, il fallait le mettre en bas, hein, en dessous. Là-haut. Il y a les dragons. Et puis les flammes. Quand ils avaient fini de visiter, je les faisais rentrer à la maison. Et puis il y avait le bureau qui était en rentrant. Alors il y avait la table là. Et puis mes cartes que je lui vendais. Et puis je les faisais signer. Ah oui, je faisais tout signer mes visiteurs. Manufacteur Cheval. Cheval, c'était son. Oui, le livre d'or a été commencé en 1905. C'était à l'époque le docteur Tangon, qui était un médecin du chemin de fer, je crois, du temps à Saint-Vallier. Il avait choisi d'être facteur au poste. Michel Simon aussi a été très impressionné. Qui venait de chez Pardou, il m'a dit « Eh ben, te pars », parce qu'il me disait toujours « Eh ben, te pars » quand il me parlait. « Tu leur feras compter que 5 sous ». Aux autres 10 sous, mais à ses sœurs de Navade. Je ne me rappelle plus d'où. Quand elle venait. Alors celle-là, il me fallait les compter, leur compter que 5 sous. Dans une maison carrée, sa tête est devenue. 5 sous, puis moi, on me donnait 2 sous d'étrennes. Le plus court chemin d'un plaisir à l'autre passera de toute façon par une courbe. Cheval de haute école, construisait dans sa tête, comme de l'or, des pages précédentes, mérite ménagement et bonne avoine. Ben ça, c'est pas trop drôle. L'architecture de dentelle, et son esprit gardait l'empreinte de ses rêves. Emmanuel Rondier, du Niger. Temps passé. 10 années s'écoulèrent calmement. Il y a aussi des inscriptions en hollandais, en allemand, en anglais. Arpenté d'un pas courageux, des sentiers les plus durs. Même en japonais. Personne ne savait. Voilà, un visiteur Pékin. Il a écrit « Bel travail du camarade Cheval ». À ne pas détruire pour le souvenir Monsieur Cheval. Vous voyez, les visiteurs aussi se posent beaucoup la question de la survie du monument. Évidemment, nul n'est insensible à la dégradation. Ce sont surtout les intempéries, mais les visiteurs s'inquiètent aussi de voir que parmi les groupes, certains ne sont pas suffisamment respectueux, ça c'est évident. Quel palais magnifique, il faudrait des hommes de bonne volonté pour le réparer. Au moment où il a voulu creuser ses tombeaux, et en particulier son tombeau, il est tombé sur un terrain extrêmement difficile, composé d'argile, d'argile limoneuse, jusqu'à 1m50 environ, et puis d'une natte phréatique extrêmement capricieuse, du fait de la présence à l'immédiat de la Galore, et qu'il lui a été impossible de faire des fondations. Alors le problème de la restauration, c'est bien sûr d'assurer une stabilité générale du monument, même avec ses déformations qui font partie de l'histoire et de ses difficultés, en consolidant le terrain d'assiette, tout en gardant un équilibre hydrologique et une compacité des terres qui ne trouble pas les structures. La deuxième chose, c'était de connaître les techniques que le facteur cheval avait employées, bon, à savoir utilisation d'un certain nombre de matériaux, tels que parpaings qu'il avait fabriqués, quelques pierres extrêmement légères, telles que s'apparentant au tuffeau. Ensuite, de comprendre quels étaient les enduits ou quels étaient les mortiers qu'il avait employés. Dans certains cas, il employait des mélanges de sable et de ciment, avec certains dosages. Dans d'autres cas, il employait des mélanges de sable et de chaux. Il employait en général, pour créer un certain nombre d'éléments sculptés, des armatures métalliques, plutôt des fils de fer, qui n'étaient pas galvanisés bien sûr, et qui ont permis, par la rouille, des cassures, des brisures, que d'autre part il avait mélangé, puisqu'il voulait mettre un certain nombre de pierres en valeur, ces pierres qu'il avait trouvées pendant ses tournées, qui se rapprochent soit de la molasse, soit d'un grès, mais une matière très siliceuse, et souvent très dure et très lisse, qui s'accorde mal avec des raccords en mortier. Et là, on se rend compte qu'il y a des possibilités de pénétration de l'eau entre deux peaux qui ne peuvent pas s'amalgamer suffisamment, l'eau pénétrant fait rouiller l'armature en fer non traitée, et ensuite l'action du gel, bien sûr. C'était le plus que les morceaux, pour remettre les morceaux en place, qui sont dans diverses parties de l'édifice. Déjà, c'est un plus qu'il faut être quelques-uns à chercher, parce que c'est, il faut les remettre pour donner l'impression et l'allure générale du monument, parce que en ce moment, il paraît, je ne sais pas si je comparais avec une personne, il paraît chauve. Parce que tous les embouts, tous les morceaux, toutes les pierres qui étaient assez jolies ont été cassées. Il y en a beaucoup que les gens ont emportés parce qu'ils ne voyaient pas l'importance du monument. Alors, il nous a fallu étudier un peu la technique qu'on allait employer. Il faut refaire des mortiers comme il a fait, le même travail, qui était fait presque tout à la main. Parce que sa truelle, c'est comme sa brouette, il ne s'en servait pas beaucoup. C'est presque tout fait avec les mains. C'est les parties qui sont... D'ailleurs, on le sent, tout, c'est tout un peu ondouillard, tout est fait comme un gâteau, comme la pâtisserie. Il n'avait pas une technique faite dans un atelier. Il a fait ça comme un pâtissier, fait une décoration. Alors que ses mains, c'est beaucoup servi. C'est ce que nous, il faut qu'on reprenne et qu'on essaie de s'adapter et de faire le même moment que le facteur a fait. Oui, oui. Vous l'avez vu travailler, comment il travaillait un peu? Ah, toujours, il fallait toujours que je viens pas de ses doigts. Ah oui, parce qu'il travaillait toujours comme ça avec ses doigts. Alors il travaillait, mais il était minutieux toujours avec le bout de ses doigts. Ah oui, oui. Par des moments, les matériaux sont plus riches. C'était les mélanges qu'il a fait ont été faits avec, effectivement, ça peut être des mélanges scientifiques. Alors, il y a des moments que, justement, ce que vous parliez, que la chose se dégrade, c'est qu'il y a eu moins de chaud. D'autres moments, c'est qu'il a travaillé au soleil. Mais ça, c'est des choses que maintenant, on sait avec quelqu'un de métier ici, que lui ne savait pas. Alors, quand il a fait des enduits au soleil, ses enduits sont brûlés, la chose n'a pas fait son travail. C'est pas, il y a des parties de mortier où le ciment était trop fort. C'est parce que du ciment, il n'y a pas d'autres matériaux, il n'y a pas d'agrégat dedans. Alors, c'est trop fort et ça craquait là, parce que c'est que de la colle, il n'y a pas de produit dedans. Et ça, il y a beaucoup de... On ne va pas maintenant faire des reproches, mais il y a beaucoup de manque de métier de ce bonhomme-là quand il a fait ce travail. Et puis, alors, je vous dis, c'est ce qui a fait, bien sûr, ça, c'est son tour de force. Et lui, il a écrit la musique sans connaître la musique. Et, alors, c'est ça ce qui fait. C'est une pièce à percussion qu'il nous a donnée. Ça ne s'empêche pas que, maintenant, pour retrouver le son, on ne sait pas si c'est sur une casserole, des fois, ou si c'est sur un piano qu'il a donné. Alors, il faut que nous, chaque fois, on prenne. En étant sur place, on dit là, ben là, c'est qu'il a son mortier, ou il n'avait pas les sous, ou il a les fait au soleil, ou il a fait que ça, c'est joli. Parce qu'il il travaillait toute l'année. Alors que des moments, il aurait fallu qu'il s'arrête. Par rapport à l'époque. Ah, mais les week-ends, tout ça, oui, il travaillait tout le temps. Là. Parce qu'il y a des petits bricolages, de les lustres qu'il a fait, là. C'est des petits travaux. Puis sans arrêt, il devait travailler. Il travaillait sans arrêt, puis ça lui demandait. Quelqu'un qui n'est pas du métier, ça lui demandait beaucoup plus de temps, parce qu'il arrivait, c'était chaque fois c'était de l'acrobatie qu'il faisait. Quand il lançait un serpent dans l'espace, même on le donnerait déjà à quelqu'un, il faudrait qu'il fasse des coffrages ou tout ça. Alors lui, il le faisait à la main, ça devait faire comme à tous les endroits, pof, ça devait tomber parce que le ciment prenait trop vite, n'était pas assez riche, ou parce que la quantité était trop grosse, il devait recommencer. Et alors il faisait qu'il a mis beaucoup, certainement à des endroits, beaucoup de temps, qu'il aurait pu gagner s'il avait, parce qu'il a rien moulé là-dedans. Il a presque pas fait de coffrage, à part les coffrages de ses parpaings. Il n'a pas fait d'autres coffrages. Enfin, on voit même la voûte, on voit que c'est fait, il n'y a pas eu quelque chose de mécanique. C'est un tas de petites, on dirait presque de mois ajoutés. Parce que comme je vous disais, quand il a fait les éléphants, c'était pas la même facture que quand il a fait la façade nord. Et il a même les questions mains, vous savez, qu'il travaille de, on voit que c'est plus, plus rapide, puis avec des plus gros matériaux. Quand il voulait aller plus vite. Que là, dans les petites niches où il a fait ses petites statues, ou alors, sur les crêtes, quand il s'est amusé à faire des personnages qui ont l'impression de monter. Mais ça, c'est des époques où il était plus. C'était plus poétique. Vous voyez, il changeait son esprit. D'ailleurs, quel est l'individu que tous les moments ne changent pas? C'est des moments où vous êtes triste, d'autres mangués. Ça, c'est la vie, ça. Sinon, si on était tout le temps la même chose, comme une secrétaire, qu'il faut toujours avoir le sourire, ça ne serait pas une existence. Il y a des jours qu'on est plus, on a envie de choses plus sensibles, d'autres, je crois, il faudrait qu'on reçoive des coups de pied derrière pour avancer. Et lui devait faire ça, parce que 35 ans sur un monument, il faut s'imaginer, 35 ans. C'est vite fait sur des papiers quand on le reproduit en discours ou en. Mais 35 ans d'une existence, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les heures que ça fait de perdu de lire ou de promener ou d'aller. 35 ans d'une vie, c'est une vie. C'est bien d'une vie. Alors, une question seulement au niveau de la restauration, parce que restauration, des fois, ça fait un peu peur. On ne va pas retrouver un palais flambant neuf. Alors, si vous voulez, vous pouvez enlever le mot restauration. Ce qu'on va faire, c'est une consolidation. Alors, une consolidation, mais qui ne soit pas désagréable à l'œil. Par exemple, si en intermédiaire de. S'il manque sur une branche de palmier 5 cm, on ne laissera pas le bout de fer recouvert de résine pour qu'on marque exactement que ce morceau était tombé. Et tous les morceaux qui sont disparates, qui sont de tous les côtés, essayez de les remettre. Parce qu'on a presque. Je ne veux pas exagérer, mais quand je vous disais d'une personne chauve, c'est qu'il y a quelque chose comme un morceau qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, on ne peut pas comprendre le sujet, mais si on trouve. Oui, comme des oreilles de quand il y a une jolie tête de veau, par exemple, quand vous rentrez là. Si cette tête de veau, il n'y a plus d'oreilles, vous ne savez pas si c'est un ours. Alors que maintenant, c'est pas, c'est comme, si je dis ça pour donner une photographie, mais il y a beaucoup de morceaux qui sont qu'on ne comprend pas encore parce qu'on ne les a pas mis en place. Non, mais, vous savez, il aurait pu le faire d'autres choses. Non, vous savez. Un jour, j'ai trouvé une pierre qui a failli m'assommer. Il y en a qui sont bêtes, des jeunes gens, ils viennent visiter, le couteau coupe le ciment, puis alors ils passaient là, à cause que la chienne leur aboyait, ils l'ont jeté à la chienne et ça m'a rasé. Puis alors, comme Madame Robarté vient souvent, je dis, je veux vous faire voir quelque chose, vous allez voir. Et bien c'était une pierre qui représentait soi-disant un coq, qui était par là où elle a suivi, elle était rappelée, Madame Robarté, où c'était. Alors j'ai dit, ben écoutez, emportez-le, comment on va venir arranger, ben. Si vous trouvez la place pour le mettre. Dernièrement, il n'y a pas la semaine dernière, mais il y avait un morceau qui est tombé. Si les gens continuent à passer, vous voyez, à passer. Parce que c'est la même chose qu'une maison. Il y a les escaliers, ça, mais on accroche un morceau. C'était pas fait. Enfin, c'est pas fait pour mettre beaucoup de monde dessus. Quand vous avez des dimanches ou. Même avec un parapluie, les gens qui ont une canne, il y a des, vous voyez, et puis alors, il y a beaucoup de ces parties qui sont détachées complètement. Là. Comme il a fait vers la terre son tombeau plus, là, ses serpents. Et là, alors, c'est tellement fragile. Ils s'accrochent, les gens, pour monter. Si vous accrochez une branche au palmier qui sont complètement laid, c'est ça qui est abîmé. Les gens s'accrochent, vous voyez, pour que ça leur sert de rampe. Parlais, par construire cette cascade de vie hein, qui est ici avec les basques, le couple, le petit couple sous le palmier, la colombe, les caricatures au midi, l'eau qui jaillit, qui ruisselle partout. Puis ensuite, c'était en 1879, il a construit une seconde cascade, la source de la sagesse. Pétrifié. Et entre les deux, une grotte dédiée à Saint Amédée, qui est le patron d'Autrive. Et puis, alors, il a commencé son caveau. Donc, au départ, l'eau naissante est réellement reliée à la descente de lui-même dans son œuvre, à travers l'idée et l'image du tombeau. Et ce tombeau, on a la date 1882 qui est encore inscrite au-dessus du linteau de l'entrée. Tombeau romain. Alors les gravures, les inscriptions se sont surajoutées, on ne sait pas trop quand. Hein, mais enfin, c'est... Avec le tombeau donc est fermé par une première grille de fer. Une lourde porte, très lourde porte qui pivote encore, de pierre. Et à l'intérieur, quand on descend, deux cercueils. Deux cercueils fermés par deux lourds couvercles sarrasins, écrit-il, qu'on peut soulever avec des anneaux. Ils sont à son échelle, enfin à sa taille. Donc pour lui, sa femme, certainement. C'est un caveau personnel. Et peut-être a-t-il voulu élargir son tombeau familial en creusant un tombeau symétrique à gauche du monument, le tombeau druide qui restait d'ailleurs inachevé. On peut y descendre, mais il est petit. Alors ici, nous sommes dans la grotte des Géants, ce qui est devenu la grotte des Géants. On descend par cet escalier. Attention, là, la marche est très haute. Et ici, il y a l'amorce, le second tombeau, avec au-dessus du linteau des inscriptions chiffrées qui veulent dire certainement quelque chose. Et à l'intérieur, donc il faut marcher à quatre pas. À l'intérieur, il y a un long serpent qui chemine tout autour du tombeau druide et puis des petits animaux qui viennent animer, dire quelque chose encore. Une tortue, un poisson, un oiseau, un crabe. C'est un tombeau habité. On dit dans de la chance, il n'y a pas d'eau, mais très souvent il est plein d'eau parce que Le palais repose sur toujours ce béat d'arrosage qui servait à arroser les jardins, les prés voisins. Alors toute l'assise du monument repose sur cette humidité. Et dès qu'il pleut, tout le palais est entouré d'eau qui n'arrive pas à être absorbée par le sol. On va refermer le... À ce passage, on porte pour tout bagage, que le bien ou le mal. Ici, l'égalité. Grands et petits viendront se réunir dans la fraternité éternelle. La simplicité du corps rend l'âme vertueuse. Les invisibles ne sont pas des morts, je crois. La description est effacée. Non, les absents ne sont pas les invisibles. Oh, il faudrait que je retrouve la phrase. Enfin, les inscriptions sont effacées, mais ce sont toutes des références à la présence et à l'absence qui se jouent ici. Et à la réconciliation. Le faible comme le fort sont égaux devant la mort. D'être enterré dans son palais. C'est-à-dire qu'à cette époque, je ne sais pas si on l'avait refusé. Je sais que dans sa famille, on lui avait dit que si on vendait le palais, on vendait lui avec, alors ça l'avait un peu... Parce que je ne sais pas si on l'avait réellement... À cette époque, si on interdisait déjà faire les tombeaux. Parce qu'il n'y a même pas si longtemps, j'en connais qui ont été enterrés dans leur propriété. Mm-hmm. Pas ici, mais enfin dans les pays environnants, là. Mm-hmm. Ça serait même cool à risque. Il y en a qui ont été enterrés à... Oh, ceci, ça fait 40 ans, 45 ans. Mm-hmm. Dans leur jardin, proprement dit. Qu'on soit là ou ailleurs, c'est le jardin. Et voilà, au vieux. Dieu, patrie, travail. Monsieur Lecteur, je me permets encore de vous dire qu'après avoir terminé mon palais de rêve à l'âge de 77 ans, je me suis trouvé encore assez courageux pour aller faire mon tombeau au cimetière de la paroisse. J'ai eu le bonheur d'avoir la santé pour achever ce tombeau, appelé le tombeau du silence et du repos sans fin, à l'âge de 86 ans. Ce tombeau se trouve à un petit kilomètre du village. Grand nombre de visiteurs m'ont aussi lui rendent visite après avoir vu mon palais de rêve et retournent dans leur pays émerveillé en racontant à leurs amis que ce n'est pas un conte de fées, c'est la vraie réalité. Pensez-vous, c'est qu'on l'avait, la municipalité l'avait arrêté au cimetière. Parce que s'il l'avait pas arrêté, il allait tout prendre le cimetière. Il s'arrêtait pas. La municipalité y avait mis arrêt. Quand ils avaient pris patience, ce qu'il y a fait, c'est quand même original, c'est quand même, ça garnit un peu le cimetière. Mais c'est qu'il ne s'arrêtait pas. Il était tout le temps là-bas. Tous les jours avec son ciment, ses pierres, son fourbi, il s'agrandissait à mesure. Puis un beau jour, la municipalité a dit, mais c'est que ça ne peut plus faire. Il va falloir s'arrêter. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Vous nous connaissez, nous avions... Bonjour, monsieur. Ah, je vous reconnais, vous. Oui, vous êtes les messieurs dames qui étaient venus là pour tragaphier le caveau du perchoir. Voilà. Ah, voilà. Et on devait revenir. Eh ben là, vous êtes revenus, oui. Ben oui. Et encore le monsieur que je reconnais là. Eh ben, vous êtes bien. Vous avez bien un beau temps pour vous promener, hein. Oui, oui. Oui, il fait bon, il fait bon. Aujourd'hui, c'est le vent de midi, il fait pas mauvais. Il fait pas d'air, hein. Vous avez connu le facteur Cheval? Oui, oui, bien sûr, si je l'ai connu, dites. Je l'ai vu travailler là pendant combien d'années? Dites, j'étais pas obligé de rester là. C'est que j'allais à l'école et je me faisais tirer les oreilles. Oui, il a travaillé là, pensez-vous, depuis 1913 que les maçons ont fait vraiment son caveau. Et puis lui a commencé après en 1913-14 jusqu'en 20 et quelques, quoi. Ah oui, qu'il avait fait son palais idéal là-haut, mais c'est 25 ans avant moi. Hein. Il était encore en activité quand il faisait son palais idéal là-haut. C'est 25 ans avant moi, ça je l'ai vu, mais il était construit, quoi. Mais là, j'ai vu qu'on construit, alors j'allais puis le regarder. Tous les jours, il arrivait avec son petit sac de ciment frais, hein, qui se faisait apporter des sacs de 50 kilos chez lui, et puis il en mettait 400 kilos, ce qu'il avait besoin, et puis il travaillait là. Voilà. Alors, à force de travailler avec son couteau, sa petite toile, et puis les doigts, ça le brûlait les doigts, hein. Il avait puis les doigts tout empâtés, hein. Mais il a couru, je vous dis bien, pendant combien d'années? 1914, il est venu faire son caveau, vu qu'il ne savait plus ce qu'il fallait y faire, quoi. Et puis après, il avait puis tombé dans l'enfance, puis ça a été fini, quoi. Et vous l'avez vu échafauder? Enfin, comment a-t-il pu monter à une hauteur pareille? Enfin, ah ben, il mettait une grande échelle, et puis il mettait des grandes perches, et des planches, et des échafaudages qui mettaient des planches pour aller travailler à l'auteur qu'il voulait, quoi. Oh oui. Oh, il en mettait puis quand il était du côté là-bas du chemin qui descend la rivière, hein. Oh là, il se faisait puis des panguiers d'envers, hein. Il y avait qui voulait passer avec des charrettes de bois, hein. Il pouvait presque pas passer. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh, c'était... Oh mon petit vieux. Oh, il était bien. Bien agréable, oui. Oui. Oh, moi, je ne causais pas bien avec lui, parce qu'il me dit bien. J'avais pas le temps, mais le voisin à côté, ils avaient le temps. Ils cassaient pied la croûte dehors, tous ensemble. Et lui, il avait sa petite fiole, il a porté sa petite fiole, et son bout de pain, de fromage ou de chocolat. Oh, il vivait, hein, chichement, hein. Oh, il y a des fois qu'il avait sa grande échelle, hein, pour monter là où elle était là. Et il y a des fois, il la mettait pas trop droite pour monter. Puis moi, j'y allais, puis je la tressais bien droite. Oh bon, il se mettait à couvert. Hein. Oh, il y a un galopin qui est venu me pousser mon échelle. Mais il ne sait pas qui c'était, puis il vous aurait rien dit, quoi. Il aurait rigolé, mais enfin. Famille Cheval, Érichaud, ici repose Cheval Alice, né le 10 octobre 1979, décédé le 2 juin 1894, amèrement irrité. Cheval Fernand, 1864-1865. Revol Rosalie, 841-1873. Cheval Cyril, 1866-1912. Richaud Philomène, 1838-1914. Cheval Ferdinand, 1836-1924. Guironnet Louise, veuve Cyril Cheval, 1870-1950. Lardon Charles, 1894-1972. Juventon Georges, 1891-1979. Juventon Cyril, né Cheval, 1892-1980. Bon, un de profondeur. Alors, ça y est. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Cheval, Ferdinand. René Farabé, Claude Prévost, Clovis Prévost, Jacques Taroni. Michel Créis, Louis-Michel Schwartz, Jean-Michel Cyr, Daniel Tourcière. Marie-Ange Garandeau, Viviane Vandenbroek. Julia Achard, René Amédée Chautan. Joseph Dernat, Gabriel Fébry, Jean-Pierre Jouve, Célina Joly, Jean Lallier, Paul Mérindol, Monsieur Mounier, Lucia Paquien, Yvan Rabatel, Robert et Anne-Marie Rabatet, Lucien de Richaud, Sami Ali, Semser, Silberman, André Breton, François Martouret. Cheval, Ferdinand. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 février 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Thank you.